États-Unis pour leur guerre pétrolière. Et tous les fachos d'aujourd'hui comme hier. Mais ainsi va le monde, une putain d'hécatombe avant des temps modernes. L'humanité c'est we'll be right back.

Babylone. De complexité, tant de strass et de stress, de paillettes, je suis ébouriffé. Je suis comme Ponce Pilate, mais je n'y comprends rien. Et mon rêve est parti en fumée, un petit tour, et s'en vient, et s'en vient, et s'en vient. Si un jour tu m'abandonnes dans les rues de Babylone, je ne verrai plus personne. Dans les rues de Babylone, le temps passé passe encore. Dans les rues de Babylone. Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio et Passion. Sans oseille, des facteurs qui ne passent pas. À se creuser le cerveau, que d'aille perdre la tête. À passer des nuits sans sommeil, car le lendemain t'effraie. Et c'est l'angoisse du courrier, celle de trouver une nouvelle lettre de créance au tribunal d'instance. On comprendra alors qu'avec ces doux mots d'amour, on puisse faire sauter le caisson et ses voisins autour. Sur la corde raide, priant pour être parti avant que celle-ci ne cède. L'heure des confitures dans des émissions télé, allant du justicier de l'arnaque au grand cabaret. C'est un jeu dangereux de parti peu présentable, profitant de cette manne de clients influençables. C'est toujours sur la merde que les mouches se régalent. Bienvenue au buffet d'ouverture de campagne du Front National. À se comporter comme un chien, on finit souvent en laisse. Et à trop baisser son froc, on se fait souvent faire les fesses. À se comporter comme un chien, on finit souvent en laisse. Et à trop baisser son froc, on se fait souvent faire les fesses. Ça fait des années que t'es cool, tu les as perdus. C'est même à se demander si un jour t'en as déjà eu. C'est

business, le pouvoir du dollar. Tous ces mensonges avoués, tous ces politiciens. Les règles sont bafouées, justice à y avoir. Le travail ne paie plus, ce reste la misère. Le travail ne paie plus, il faut t'en satisfaire. Le travail ne paie plus, ce reste la misère. Le travail ne paie plus. Toujours courber le dos, toujours fermer sa gueule. Pour ces crétins d'impôts, ces banquiers sans valeur. Combien de vies brisées, combien de faux regards. Pour rassasier les riches, les cons et le pouvoir. Le travail ne paie plus, ce reste la misère. Le travail ne paie plus, il faut s'en satisfaire. Le travail ne paie plus, ce reste la misère. When dead 'cause I heard him call. I'm riding, riding on a hell of a name. I ain't driving, riding on a hell of a name. Passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion.

saluer les ombres, saluer le feu, saluer le nombre, saluer le peu, saluer les ombres, saluer le feu, saluer les ombres, saluer le feu, saluer le nombre, saluer le peu, saluer les ombres, saluer le feu. This is the end of the world. to the day we die. Du rock sur le web, sur Radio et Passion. ground. They crown the sun. They crown. Our statues, the soaring edifice of our times, detracted from the ways of the wise. The future will view all history as a crime. When is the time to rise? They crown the sun. They crown the sun. But I believe that they are free when their time was done. They were drowned by the only one. But I believe that they are free. Non, je n'ai pas le sens des affaires, mais je connais leur direction. Droit dans mon je vaux moins qu'une pute. Son sexe est tarifé. Moi, on me culbute en toute gratuité. Du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. rimas elástica. No mando de maco, dímelo, please, chica. Don't you wanna bang me? Passion du rock sur le web, sur Radio et Passion. We'll be right back.